La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, d'où vient le long dédain de l'école pour les matières techniques? En 1934, Paul Valéry publiait un ensemble de textes rassemblés sous le titre « Propos sur l'intelligence », dans lequel on trouve cette phrase « Qui soutiendra qu'il se dépense plus d'esprit dans une tête que dans une autre ? Qu'il en faut plus et plus de connaissances pour enseigner que pour spéculer commercialement, ou pour créer quelque industrie, ou pour faire l'artisan ?» Fin de citation. Ce propos de Paul Valéry ne semble guère contestable. L'intelligence circule dans toutes les activités humaines. Mais alors, comment expliquer que les employeurs déplorent aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs métiers industriels ou technologiques, tels que ceux de soudeur, chaudronnier, ajusteur ou mécanicien? Est-ce l'image de l'industrie qui se serait dégradée? Est-ce la qualité de vie au travail dans ces métiers qui se serait détériorée? Ou est-ce l'école qui, sans forcément le vouloir, distillerait l'idée que l'exercice d'un travail manuel, d'un travail utile, placerait son exécutant dans un état servile? Par exemple, en dissociant le penser et le faire. Par exemple, en n'incluant aucun rudiment de culture technique dans l'enseignement des humanités. Bref, d'où vient que la France se soit littéralement coupée les mains? Pour discuter ces questions, je reçois deux invités. Laurence de Créau, d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres classiques, vous avez travaillé dans l'édition, puis dans une grande école d'ingénieurs, vous dirigez le département culture. En 2015, je vous avais reçu pour discuter d'un livre que vous aviez écrit, L'élégance de la clé de 12, enquête sur ces intellectuels devenus artisans. Et aujourd'hui, vous publiez Tempête sur les représentations du travail. Oui. Mon second invité est Thierry Weil. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Futur de l'industrie et du travail à l'École des Mines. Vous êtes professeur de management de l'innovation et vous êtes membre de l'Académie des technologies. Alors, je commence par vous, Thierry Weil. Je crois que le livre qu'a écrit Laurence de Créau, c'est à vous qu'elle le doit, si j'ose dire. C'est vous qui lui avez demandé d'écrire un livre sur la façon dont les métiers intellectuels et manuels sont représentés aujourd'hui. Oui, en effet, et vous venez de rappeler que Laurence de Créau avait écrit L'élégance de la clé de 12, donc s'était intéressé à ces professions intellectuelles qui ne trouvaient pas beaucoup de satisfaction dans l'exercice de leur métier et qui ont passé un CAP, qui de plombier, qui d'ébéniste, et témoignaient ensuite que leur vie s'était transformée en bien et qu'enfin, ils savaient pourquoi ils se levaient le matin. J'ai lu son livre avec beaucoup d'intérêt et je me suis dit, c'est la personne qui va pouvoir nous aider à comprendre pourquoi, alors que visiblement beaucoup de gens, pas tous, s'accomplissent dans des tâches de réalisation, de fabrication, ces tâches sont aujourd'hui méprisées, mal considérées, que ce soit par les parents, par les profs, par les conseillers d'orientation, et qu'on dit à des enfants qui ont envie de faire ça, non, fais des études, ne fais pas ça. Alors, avant de donner la parole à Laurence de Créau, je voulais signaler que vous aviez collaboré avec un grand sociologue américain, ethnologue également, qui est mort il y a quelques mois, qui s'appelait James March. En quoi l'activité de ce chercheur a-t-elle un rapport avec cette question des représentations? Alors, l'activité de ce chercheur est tellement multiple, c'est à la fois un anthropologue, un économiste, un poète et un professeur de sciences politiques. Il est parfois difficile de répondre. Je dirais, je vois au moins deux points de connexion, même si je me posais pas du tout la question a priori. Il est connu pour être, avec Herb Simon, le prix Nobel d'économie, l'auteur de la théorie de la rationalité limitée, c'est-à-dire pourquoi le décideur ne passe pas son temps à inventorier tous les cours d'action possibles pour faire des choix parfaitement rationnels, mais finalement essaye un truc, et si ça marche, c'est très bien, passe à la décision suivante. Il s'est beaucoup intéressé à comment les intentions des acteurs individuels s'agrégeaient ou pas pour donner des comportements collectifs qui peuvent être très différents. Alors qu'on a souvent une espèce d'anthropomorphisation des collectifs humains, des entreprises, on a l'impression qu'une entreprise agit selon les décisions de son chef, alors que c'est une alliance d'intérêts politiques contradictoires. C'est pas parce que le chef a envie d'aller quelque part ou prend une décision que toutes les troupes suivent. Et de ce point de vue-là, effectivement, une des nombreuses applications des travaux de March consiste à comparer les organisations vivant sur ce mythe du chef qui décide de tout et les organisations qui font en sorte que tous les exécutants soient conscients d'objectifs et chacun à leur niveau capable d'agir pour l'atteindre. Ce n'est pas le général qui gagne la bataille, mais les soldats motivés. Absolument. Et un des textes qu'il cite le plus en référence, c'est « La guerre et la paix » de Tolstoï, en montrant que d'un côté, des récits de l'histoire où tout semble résulter de la décision des grands hommes, depuis Plutarque en passant par Carlyle, et d'autre part, Tolstoï qui dit « Napoléon croit commander l'armée, mais finalement le cours des événements lui échappe très largement, alors que le prince Bagration, dans « Guerre et paix », est conscient qu'il fait la seule chose qui soit utile, maintenir le moral des troupes, donner l'impression que tout est sous contrôle et que on est à l'aube de la victoire, alors qu'il ne comprend rien à ce qui se passe, que c'est confus, que c'est un champ de bataille totalement incompréhensible, que ce soit pour les Français ou pour les Russes. Et comme le dit Tolstoï, selon que, en passant devant lui, les soldats se redressaient et partaient au combat avec ardeur. Et selon que les gens disent « Hurrah, ou nous sommes perdus », la bataille peut être gagnée ou au contraire se transformer en défaite. Laurence de Créau, je l'ai rappelé, vous êtes agrégé de lettres classiques, oui. Helléniste, latiniste. Oui. Et là, vous avez travaillé sur cette tempête, sur les représentations du travail. Le sous-titre, c'est « Manuel intellectuel, voix pro, voix générale, col bleu, col blanc ». Est-ce que c'est parce que vous êtes latiniste qu'on parle beaucoup de latin dans ce livre ? De l'enseignement du latin et du rôle qu'il a joué dans l'enseignement des humanités. Bah écoutez, ça ne me serait jamais venu à l'esprit que le latin puisse devenir un des sujets du livre. Ça s'est fait en travaillant. Moi, je l'ai lu comme un livre sur le latin. Bah oui, finalement, parce que j'ai eu... Enfin, pour moi, l'écriture de ce livre, et je remercie Thierry de me l'avoir commandé, ça a été une succession de chocs. Et je dois dire que si j'avais su tout ce que j'ai appris en travaillant pour cette étude avant d'enseigner, je n'aurais pas enseigné de la même façon et je n'aurais pas eu les mêmes positions dans le cadre de mon métier. Voilà, donc ça a été un vrai choc. Et vous dites en conclusion de votre livre que la France est un pays malade de ses représentations binaires. Oui. Ça veut dire que par exemple, la classification que nous faisons entre manuel et intellectuel n'a plus de sens. Et pourtant, elle continue lexicalement de jouer un rôle dans la façon de présenter les études. Ben, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans le cours de mes lectures, c'est de m'apercevoir, j'en avais pas forcément conscience avant, mais que, notamment à l'école, on fonctionne beaucoup sur ces représentations binaires. Un élève qui est pas bon en troisième, on dit ben, c'est plutôt un manuel, on va le mettre en bois pro. Bon, ça paraît logique. Sans avoir testé ses capacités manuelles. Absolument pas. Effectivement, absolument pas. On ne sait absolument pas s'il est manuel ou pas. On sait juste qu'il a des mauvaises notes dans les matières générales. Donc, quand on y pense, c'est complètement aberrant. De même, manuel intellectuel, ça signifie que le manuel ne pense pas, a priori. Alors que si vous lisez Matthew Crawford ou si vous lisez Richard Sennett... Matthew Crawford qui a écrit donc L'éloge du carburateur en 2011, oui. Un livre dans lequel 2010, à la livre, découverte, oui. Donc, il a quitté en 2001, je crois, un think tank à Washington qu'il payait pourtant grassement pour devenir réparateur de moto. Absolument. Alors il a quitté ce think tank parce que justement il souffrait mille morts de faire un travail qu'il jugeait parfaitement imbécile. C'est-à-dire il raconte notamment comment, quand je dis think tank, c'était pas exactement un think tank, c'était plutôt pour, il travaillait pour un réseau qui proposait au public en ligne des résumés d'articles scientifiques. Donc il trouvait ça formidable, il allait pouvoir beaucoup se cultiver en lisant toutes sortes d'articles scientifiques dans divers domaines. On lui a imposé, il raconte, c'est assez croquignolet, enfin c'est même burlesque la façon dont il a été formé. On lui dit, alors voilà, un résumé doit faire tant de mots et vous devez en faire tant par jour. Et il s'aperçoit que pour en faire tant par jour, il faut qu'il n'essaye pas de comprendre ce qu'il lit. Donc il suffit qu'il aille tricoter quelques mots entre eux et ça ira très bien. Et donc il a l'impression de faire le travail le plus imbécile qui soit. Voilà. Et du coup, il revient à ses premières amours et qu'il faisait non pas en tant que professionnel, mais pour son plaisir, qui est la mécanique. Et là, dans tout ce livre, il raconte à quel point son intelligence là trouve matière à s'exercer lorsqu'il se trouve face à une panne impossible et qu'il va rester 24 heures à trifouiller dans tous les sens pour essayer de comprendre. Et moi, en plus, il se sent responsable. Et en plus, il se sent responsable et il va sauver quelqu'un, il va sauver une machine. Alors que dans le cas précédent, il n'est responsable de rien, il va donner quelque chose de ni fait ni à faire à un malheureux lecteur qui ne comprendra rien. Alors Manuel, oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Sachant que, comme vous le remarquez dans le livre, la main ne cesse de s'absenter des travaux qu'on mène en entreprise ou ailleurs, puisque les robots sont là, l'ordinateur est là, toutes sortes de médiations sépare le travailleur, entre guillemets, de la matière. Justement, c'est là, et on en avait beaucoup discuté avec Thierry, parce que je ne connais pas forcément très bien le monde de l'industrie, mais lui, c'est sa spécialité. Et j'ai découvert avec stupeur, en lisant un peu les ouvrages qui se publient à la Fabrique de l'Industrie, à quel point le travail dit manuel, même dans les spécialités manuelles des lycées professionnels, puisque les lycées professionnels peuvent aussi préparer à des métiers de service, mais dans les spécialités industrielles, beaucoup d'entre elles requièrent une grande formation technique, et de fait, il n'y a pas forcément besoin d'être très manuel, très doué de ses mains pour être, par exemple, chaudronnier, si j'ai bien compris. Enfin, on a entre soi et la matière un ordinateur et un robot. Donc, du coup, l'appellation manuel vaut encore moins. Mais le barbier est un travailleur manuel, oui. Le chirurgien aussi, oui. Le pianiste aussi. Oui. Qu'est-ce qui détermine la hiérarchie entre ces différents métiers? Alors, ce qui est très amusant, c'est de voir que selon les époques, la hiérarchie varie totalement. Et par exemple, lors de la Renaissance, un peintre ou un sculpteur était considéré par son mécène comme un domestique et comme un artisan. Enfin, il n'y avait absolument aucun respect pour lui, alors que maintenant, l'art, c'est la chose la plus noble qui soit. Le chirurgien était chirurgien-barbier. Hein, ça faisait partie d'une même corporation, chirurgien-barbier. C'était le bas de l'échelle, alors que le médecin qui, lui, était passé par l'université, là, c'était un notable. Et aujourd'hui, le chirurgien est en haut de l'échelle dans la profession médicale. C'est un intellectuel. C'est un intellectuel. Bon, il a fait des études, cela dit, c'est même pas vraiment ça qui va différencier. Et Valérie pose la question, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ça évolue? Et en fait, c'est plus ou moins le reflet d'une époque. C'est des métiers qui vont être valorisés à une époque. Dès lors qu'un métier est valorisé, on va dire que c'est un métier intellectuel. Et dès lors qu'il est dévalorisé, on va dire que c'est un métier manuel. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand on voit, notamment grâce à toutes sortes d'émissions, à quel point le métier de cuisinier et de chef a le vent en poupe, je me dis que d'ici 5 ans, on va dire que c'est un métier intellectuel. Pâtissier également. Pâtissier également, voilà. Mais ça veut dire que le critère en question est un critère non pas d'intelligence, mais de positionnement social. Absolument. Ou d'image. Et c'est d'ailleurs ce que disent certains sociologues, notamment Claude Grignon, que ça serait, au bout du compte, pour justifier tout ça, cette espèce de mouvance des hiérarchies, et surtout de la qualification manuelle ou intellectuelle, ça serait en fait le reflet d'une hiérarchie sociale. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose du mot intellectuel, du coup? Si je me réfère à Paul Valéry, dont j'ai cité tout à l'heure un texte, dans ses propos de l'intelligence, il y a parfois des chapitres ou des paragraphes plutôt qui sont en résonance avec notre sujet d'aujourd'hui. Il écrit ceci: j'ai vu parfois des définitions très surprenantes de l'intellectuel. Il en est qui reçoivent le comptable et qui éliminent le poète. Mmh. Il y en a de telles qu'entendues à la rigueur et de la lettre, elles vont jusqu'à englober ces belles machines à calculer qui sont supérieures à tant de cerveaux. Mmh. Donc un ordinateur serait un intellectuel dans cette possible définition. Ouais. Thierry Baille, qu'est-ce qui dans ce livre Tempête sur les représentations du travail vous a le plus surpris? Parce que j'ai invoqué tout à l'heure des raisons à cette sorte de désaffection pour les métiers dits manuels, la vie dans les usines, la façon d'y travailler, le bruit peut-être, les conditions. Et vous, vous dites que les racines, en fait, sont beaucoup plus profondes. Est-ce que vous étiez au courant de la façon dont l'enseignement, l'histoire des idées, a modelé ces représentations? Non, j'ai vraiment découvert plein de choses en lisant le livre produit par Laurence. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que ce qui allait empêcher l'industrie de se développer en France, on parle beaucoup des différents aspects de la compétitivité, du prix du travail, etc., mais que l'handicap le plus important serait le manque d'attractivité, la difficulté de trouver des gens motivés pour aller travailler dans l'industrie, compte tenu de la mauvaise image qu'elle véhiculait. Je suis allé dans des congrès sur le travail où la question qui se posait, c'était est-ce que c'est Hannah Arendt ou Simone Weil qui décrivent le mieux la réalité du travail dans l'industrie, c'est-à-dire deux philosophes qui s'intéressaient au travail à la chaîne dans les années 50, celui qu'on connaît au cinéma à travers les temps modernes, et de Charlie Chaplin, prisonnier du rythme de sa machine, qui a été un moment pénible de l'industrie. Il y a encore des contraintes dans le travail industriel, mais il y a de moins en moins de gens enchaînés au rythme de la machine, car c'est plutôt des automatismes qui le font, beaucoup moins de tâches pénibles, parce que les robots le font également de manière plus efficace. Et je pensais que c'était vraiment une image fausse et quelque chose de relativement récent, venant de la révolution industrielle, du taylorisme à outrance, d'une organisation très infantilisante et dévalorisante des métiers de production. Et à la lecture du livre de Laurence de Créau, on s'aperçoit que ça remonte bien plus loin que la révolution industrielle. En effet, Laurence de Créau, vous dites qu'avec Platon, le ver est déjà dans le fruit. Oui, alors effectivement, on s'aperçoit que ça remonte en gros à la démocratie athénienne, cette mauvaise image, parce que là, il y a une chose intéressante que j'ai découverte en lisant Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, c'est que avant la démocratie athénienne, c'est-à-dire à l'époque en gros homérique, les artisans était extrêmement prestigieux. Pourquoi ? Parce que à l'époque, c'était des petits roitelets, des princes qui étaient qui s'affrontaient les uns les autres, qui rivalisaient de splendeur, et donc l'artisan était celui qui allait vous fabriquer de beaux objets et qui allait donc vous permettre de d'étendre votre gloire. Donc on les appelait les démiurges, et c'était presque des magiciens. Et tout change avec la démocratie athénienne, parce que là, le luxe est exclu. Du coup, les objets deviennent purement utilitaire, et là l'artisan devient quelqu'un qui va faire un geste répété. Alors bon, qu'est-ce qu'on reproche à l'artisan, enfin pas qu'est-ce qu'on lui reproche, mais pourquoi on estime que son travail est méprisable? Parce que d'une part, ce travail lui interdit de jouer son rôle dans la démocratie, donc sur l'agora. Il est tellement fatigué par son travail de bête de somme toute la journée qu'il ne peut plus réfléchir, donc c'est un mauvais citoyen. Enfin, il ne peut pas participer à la vie publique. Donc il y a cette idée d'un travail de bête de somme. Excusez-moi, c'est ce que dira Simone Weil après avoir fait l'expérience du travail à la chaîne. Absolument. Oui, oui, oui. Donc, je ne dis pas que ce soit faux, mais en tout cas, c'est ce qu'on souligne, ce côté très fatigant du travail manuel qui vous assimile finalement à un animal. Ce qu'on souligne également, avec plus ou moins de véracité, c'est que le travail manuel est par définition répétitif. Donc il y a cette idée qu'une chaise est une chaise, il y a l'idée de chaise, et puis qu'on ne fait que reproduire avec de génération en génération, on se passe les deux ou trois recettes et tout le monde fait la même chose tout le temps. Donc et en plus on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne sait pas pourquoi il faut faire ceci ou cela, les lois de la nature vous sont impénétrables, vous vous contentez de reproduire. Donc il y a cette idée d'une bêtise, de quelque chose de répétitif qui ne mène pas à la réflexion. Enfin bon, il y a d'autres raisons, mais en gros ça c'est l'essentiel. Donc voyez, nous quand on parle d'innovation, à l'époque, l'idée d'innovation pour la technique est même pas envisageable. Quoi. C'est vous dites même que selon les Grecs, l'artisan est triplement asservi. D'abord à la nature qui lui dicte ses lois. Pour construire une table, il faut se plier à celle du bois. Il est également asservi au modèle idéal de table, qui est défini une fois pour toutes en fonction de son usage. Et enfin, il est asservi au client qui lui passe commande et qu'il doit satisfaire pour être payé. Oui, oui, oui. Donc les degrés de liberté n'existent pas. Absolument. Et c'est ça qui fait qu'il a une sorte de déclassement. Ça et surtout le fait qu'il ne fait pas, enfin, il ne peut pas participer à la démocratie, à l'exercice de la démocratie parce qu'il est trop fatigué, qu'il n'a pas le temps. Et du coup, il ne peut pas faire de philosophie non plus, qui est quand même la discipline reine et qui permet de réfléchir justement à toutes les problématiques que pose le gouvernement de la cité. Mais si on en vient à la France, hein, qui est le sujet de votre étude, en quoi ce mépris du travail manuel en France S'enracine-t-il dans ces sources gréco-latines qui vous sont chères par ailleurs? Oui, c'est la question que je me suis posée, parce qu'on est tous passés par là, au moins toute l'Europe, on a barboté là-dedans quand on était petit. Donc il n'y a pas de raison que ça discrimine particulièrement la France. Et de fait, ce n'est pas le cas. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que là on en arrive à l'histoire, donc hein, l'histoire de cette représentation, moi ce qui m'a frappé, c'est déjà de découvrir qu'au Moyen-Âge, eh bien, ce mépris était tout à fait relatif. Je dirais même qu'il n'y en avait pas. Alors là, j'ai une citation d'Abélard, donc on est au XIIe siècle. Abélard est en gros l'un des plus grands intellectuels du Moyen-Âge. Et voici ce qu'il écrit. « En ayant recours au seul art que je connaissais, au lieu de travailler avec mes mains, je mis à profit le travail de la parole. » Donc vous voyez avec quelle bonhomie il met sur le même plan le travail des mains. Je ne sais pas travailler avec mes mains, donc je parle. Voilà. Donc là, vraiment, on ne voit aucun mépris pour l'artisanat. Et vous avez chez Thomas d'Aquin quelque chose qui n'est pas plus méprisant, quoique. « Il vaut mieux travailler parfois avec les mains, parfois non. » Quand en effet le travail manuel n'éloigne pas d'un travail plus utile, il est préférable de travailler de ses mains. Quand au contraire le travail manuel empêche d'accomplir un travail plus utile, il est préférable de s'en abstenir. Donc vous voyez avec quelle mesure, et d'ailleurs il fait cette allusion, enfin je ne vous lis pas la fin de la citation, mais il fait allusion aux apôtres qui étaient des travailleurs manuels, et il dit ils s'arrêtaient de bosser en gros quand ils devaient aller se livrer à la prédication. Voilà, c'est un bon équilibre. Donc là on est au Moyen-Âge, et par ma foi, tout se passe très bien. Et d'ailleurs, l'université, c'est une corporation comme une autre. Vous avez les corporations artisanales, vous avez la corporation de l'université. L'intellectuel, au Moyen-Âge, est un marchand de savoir. Voilà, il possède le verbe et il va le transmettre à des gens qui vont à leur tour transmettre le verbe. Donc tout va bien. Donc vous voyez que là, on n'est pas dans le prolongement exact de la pensée grecque. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que si on se projette maintenant à la fin du Moyen-Âge, début de l'humanisme, c'est un tout autre son de cloche. Donc là aussi, je vais vous lire une citation de Étienne Dolay, donc qui fait partie des fondateurs de l'humanisme en France. Par les lettres, les hommes sont ramenés à l'étude si longtemps négligée du beau et du vrai. Maintenant, l'homme apprend à se connaître. Maintenant, il marche à la lumière du grand jour au lieu de tâtonner misérablement à travers les ténèbres. Maintenant, l'homme s'élève vraiment au-dessus de l'animal par son âme qu'il sait cultiver et son langage qu'il perfectionne. C'est le sieur Loiseau qui parle ainsi ? Non, c'est Étienne Dolay. Parce que le sieur Loiseau, c'était qui ? C'était quelqu'un qui défendait quelqu'un qui avait fait une typologie de la société de l'époque, oui. Qui a écrit « Nous appelons communément mécanique ce qui est vil et abject ». Voilà. Donc, mais c'était là, ça vient plus tard, le sieur Loiseau. Étienne Dolay, vraiment, c'est l'humanisme qui est l'élan humaniste. Et vous voyez que, bon, sans agresser nullement les artisans, puisqu'ils n'en parlent pas, ce qui va faire que l'homme n'est pas une bête, c'est qu'il va travailler son esprit. Et pour les humanistes, c'est par les livres. Et c'est plus précisément, et c'est là qu'on va en arriver à ce qui est devenu un des sujets du livre, par un latin purifié, c'est-à-dire que ce que reprochent les humanistes au Moyen-Âge, à la scolastique, c'est d'avoir utilisé un latin un peu de cuisine, puisque l'idée n'était pas du tout d'avoir une belle langue, c'était de discerner le vrai du faux, en étudiant quelques auteurs clés, notamment Aristote, et ensuite bon, en se livrant à la théologie, et en lisant entre les lignes. Donc c'était une approche très philosophique dans laquelle le langage n'avait aucune importance. C'était vraiment une approche de théologien. Et les humanistes, eux, prônent un retour à l'homme et donc un retour à la littérature latine païenne, dans laquelle on va parler de toutes sortes de choses, de l'amour, de la mort, etc. Et dans laquelle surtout, parce que pour eux c'était essentiel, il y a de la beauté. Donc c'est retourner à la vraie langue latine telle qu'elle était parlée dans l'Antiquité. Mais vous êtes latiniste, j'ai l'impression que ce que vous dites là vous choque. Alors que vous devriez être une militante de l'enseignement du latin, par exemple. Mes plus grandes joies, je les dois au latin. Voilà, ça c'est une certitude. Mais là, ce que je suis en train de vous montrer, ce sont des gens qui ont fait de cet enthousiasme fou qu'illustre très bien Stefan Zweig dans son Erasme. Ce sont des passionnés qui ont voulu que leur passion fût universelle. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit que le seul modèle de la société, c'est de pratiquer les belles lettres et de parler couramment le latin classique, ça me paraît quand même un universalisme, enfin qui me paraît un peu bizarre. Et de fait, à partir de ce moment-là, il y a un véritable racisme qui se met en place, c'est-à-dire qu'on passe à une société dans laquelle le clivage se fait entre literati et illiterati. Literati ne voulant pas dire qui sait lire et écrire, c'est qui sait lire, écrire et parler le latin. Et les illiterati, ce sont des bêtes, ce sont des animaux qui ne méritent pas de considération. Et vous lisez, là vous avez lu ce que disait le Sieur Loiseau, mais maintenant je vais vous lire aussi quelque chose qui est un peu plus tardif, hein, 1542, arrêt du Parlement interdisant les représentations des mystères en l'hôtel de Bourgogne. C'est-à-dire que les mystères, ça faisait partie des grandes représentations théâtrales du Moyen-Âge, on représentait des mystères de l'histoire religieuse, et tout le monde s'y collait, il y avait toutes les corporations qui allaient jouer un rôle. Et ça faisait vraiment partie des mœurs. Et là, avec l'humanisme, c'est interdit, et voilà quel est l'argument que donne l'arrêt du Parlement. Ces gens non lettrés, ni entendus en telles affaires, de conditions infâmes, comme un menuisier, un sergent à verge, je ne sais pas ce que c'est, un tapissier, un vendeur de poissons, qui ont joué les actes des apôtres. Tant les entrepreneurs que les joueurs sont gens ignares, artisans mécaniques, ne sachant ni A ni B, qui onc ne furent instruits et davantage non langue diserte, ni langage propre, ni les accents de prononciation décente. Si c'est pas du racisme, je veux bien me faire appeler Jeannette. Il y a quand même une révolution, Laurence Descreaux, vous le dites vous-même, c'est l'encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des techniques de Diderot et d'Alembert, qui va réhabiliter les arts dits mécaniques. Ah bah oui, mais ça arrive plus tard. Ça arrive plus tard et dans un contexte... Oui, mais ça vient pas de nulle part. J'imagine qu'il y a quelque chose qui a engendré cette possibilité dans l'histoire des idées. Alors, il y a bien évidemment d'abord les avancées scientifiques qui, pendant toute cette période qui va jusqu'au 18e, l'enseignement, en gros, enfin l'université a perdu un peu de l'envergure qu'elle avait au Moyen-Âge, et ce sont les collèges qui se sont mis en place, les collèges jésuites, dans lesquels non seulement l'enseignement était centré sur les belles lettres, et en priorité le latin, mais aussi l'enseignement était donné en latin, et les élèves avaient obligation de parler latin classique entre eux à la récréation. Donc sans quoi on était puni. Donc il y a un moment où dans la société ça ne fonctionnait plus. Il y avait des avancées techniques même à l'étranger, un peu partout, et rien n'était enseigné permettant de faire face. Et il y avait malgré tout de grands scientifiques, mais qui n'enseignaient pas. Et donc là, les philosophes du 18e ont hurlé au massacre en disant « mais ce collège jésuite est complètement déconnecté des réalités, il faut injecter de la science, il faut injecter toutes sortes d'autres choses dans la pédagogie ». Et c'est ainsi que donc, à travers l'encyclopédie, ils vont faire le raisonnement suivant. Ça c'est d'Alembert dans l'introduction qui l'exprime. Il dit « bon, au début, enfin c'est une espèce de fiction, au début étaient les hommes... avant la société, il y avait des forts, il y avait des faibles. Évidemment, les forts, par leur force physique, l'emportaient sur les faibles. Coup de poing, boum, voilà. Les faibles, au moins, avaient, eux, la force du nombre. Ils se sont réunis, ils ont créé une société avec des lois interdisant la force. Très bien. Mais, c'est là ce que rajoute d'Alembert, comme les hommes ont toujours besoin de quelque chose qui les distingue, qui les rend plus forts que les autres, eh bien, ils ont décidé que l'intelligence, c'était ce qui était le signe distinctif. Voilà, c'est en tout cas l'explication que donne d'Alembert. Et c'est pourquoi, dit-il, alors qu'il y a eu toutes sortes d'inventions techniques merveilleuses, on ne connaît pas les noms de leurs auteurs, alors que quiconque fait faire un progrès un progrès intellectuel, quant à lui, va être gravé dans le marbre. Voilà. Mais l'encyclopédie, je reviens à elle classe les métiers, les arts, les sciences, oui, par ordre alphabétique, c'est-à-dire sans qu'aucune hiérarchie ne soit posée d'emblée entre ce qui relève de la pratique et ce qui relève de la pensée. Absolument. Alors certes, dans l'introduction, il explique pourquoi on appelle certains arts libéraux ou mécaniques, etc. Mais ensuite, tout devient alphabétique. Et ça, c'est totalement révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Alors là, qu'est-ce qui fait qu'on a maintenu une distinction qui a été d'ailleurs renforcée par la révolution industrielle qui arrive juste après? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand même les idées de l'encyclopédie ont trouvé matière à s'appliquer par la Révolution française. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, ça m'avait échappé à l'époque où j'ai écrit ce livre. C'est qu'il y a des écoles qui ont été créées par la Canale et qui avaient vocation à remplacer les collèges qui avaient disparu. Enfin, il n'y avait plus de collèges, c'était terminé. Et c'était ce qu'on appelait les écoles centrales. Alors pas la vôtre parce que je crois que vous êtes centralien, mais école avec un petit E et avec un petit C, école centrale, qui devait être très nombreuse, a priori une pour 300 000 habitants, et où l'enseignement devait partir de l'observation de la nature. On devait faire de l'histoire, de la géo, bon, évidemment du français, et on devait faire également de la physique, de la chimie, des maths, et il était même prévu que chaque école, ou le plus d'écoles possible, ait leur laboratoire de chimie. De préférence, une école devait avoir un jardin où les jeunes puissent découvrir la nature, herboriser, etc. Donc on trouve une pleine application de ce que dit l'encyclopédie avec ce savoir qui finalement va toucher à tous les domaines. Ça a duré glorieusement de 1795 à 1802. Donc patatras, et ensuite avec Napoléon, on en est revenu au vieux modèle du collège jésuite, même si le collège n'était pas forcément jésuite, il y en avait aussi qui étaient publics, mais c'était le même modèle, c'est-à-dire exactement la prééminence des humanités, et toujours, comme auparavant, portion congrue, comme à l'époque on considérait que la science faisait partie de la philosophie, quand on arrivait en classe terminale de philosophie, on avait le droit de faire un peu de maths. Ce qui est plus tout à fait le cas, je crois. Ce qui n'est plus tout à fait le cas. Est-ce que c'est pas le moment de faire une petite pause musicale? Vous avez choisi une chanson, on peut l'appeler comme ça, de Louise Prima. Oui. Du livre de la jungle, enfin en tout cas qui est utilisé dans le livre de la jungle. On va l'écouter, ensuite on en dira quelques mots. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. An ape like me can learn to be human too. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. De Louise Prima pour le livre de la jungle. C'est un choix, je crois, commun. Laurence de Créau de Thierry, en tout cas, il est d'accord. Je l'ai suggéré, il m'a dit bon. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Bah, c'est le roi des singes dans le livre de la jungle qui dit à Mowgli, je veux être comme toi, apprends-moi à faire du feu. Et donc, si j'ai choisi cette chanson plutôt que, par exemple, Miserere d'Allegri, qu'on aurait peut-être davantage attendu vu le contexte, c'est parce que je trouvais que ça reflétait tout à fait quand même notre propos, c'est-à-dire que on voit ici l'humanité qui est symbolisée par le feu. Bon, ça nous ramène au mythe de Prométhée. Mais on s'aperçoit qu'en fait, le feu donc est la technique qui va de pair. Et on s'aperçoit que ce n'est plus le cas du tout, que l'humanité, c'est la parole, maintenant, aujourd'hui, le verbe. Et que la technique ne représente plus l'homme, a priori, dans notre imaginaire. Alors même qu'elle est de plus en plus présente dans nos vies. Curieusement, ouais. Thierry Baye, vous avez un commentaire sur à la fois la chanson et peut-être ce qu'on vient de dire ? Non, je trouve effectivement très malin le choix de Laurence de dire finalement ce qui caractérise l'homme vu d'un supposé infra-homme, c'est-à-dire d'un singe, c'est pas la maîtrise du logos, la maîtrise de la rhétorique, des arts libéraux, mais ce que vous appeliez à l'instant les arts mécaniques, le fait dont le premier est de maîtriser le feu, c'est-à-dire le fait de forger le métal, le savoir de base de phénomènes naturels domestiqués par l'homme. Il n'y a pas de dîner mondain dans la jungle, il ne s'agit pas de briller en société, il s'agit de se sauver, enfin de survivre. Voilà. Mais d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure les encyclopédistes, dans cette même introduction à l'encyclopédie, et c'est Nicolas Grimaldi qui le fait remarquer, effectivement, D'Alembert distingue les arts mécaniques et les arts libéraux, en disant d'abord, finalement, si on était obligé de choisir, ceux qui sont vraiment importants, ce sont les arts mécaniques, parce que sans les arts mécaniques, on n'aurait pas de toit, on n'aurait pas de vêtements, on n'arriverait pas à faire cuire notre nourriture, puisque comme vous venez de le rappeler, l'âme a quand même domestiqué le feu, ce qui était assez astucieux techniquement dès le début de son histoire. Alors que bon, les arts libéraux, on cause, on glose, c'est pas ça qui va nous faire manger. Et par un retournement quelques pages plus loin, D'Alembert dit oui, mais quand même le fait de pouvoir s'élever au-delà des besoins, des nécessités humaines et de faire des choses gratuites et de s'occuper de la vie de la cité, etc. C'est quand même beaucoup plus fort. Donc finalement, il y a une hiérarchie malgré l'ordre alphabétique a priori totalement neutre de l'encyclopédie et là. L'innovation qui a donné beaucoup de poids à la description des arts techniques, à des illustrations au sens propre, vu qu'on montrait par des tas de planches le détail du travail des artisans ou des premiers industrieux. Malgré ça, et dès l'introduction, D'Alembert dit quand même, les arts libéraux, c'est mieux. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors comment est arrivée au cours du temps cette espèce de discrédit porté sur le travail manuel, alors même que assez tôt on essaie de réhabiliter, comme si toute réhabilitation était vouée à échouer. Qu'est-ce qui fait que ça résiste? Vous avez évoqué Richard Sennett, je crois que c'est lui qui a inventé l'expression intelligence de la main. Bon, ça je ne sais pas s'il l'a inventé. Comment est-ce qu'il l'a défini? Son titre c'était ce que c'est la main. Il y a notamment tout un. Il montre à quel point les opérations manuelles sont finalement proches des opérations intellectuelles. Comprendre l'histoire de prendre ensemble. Même le lexique les rapproche. Absolument. Et ça, le lexique le montre tout à fait. Quand on dit saisir quelque chose, ça peut être au sens figuré, saisir, comprendre, ou saisir quelque chose avec la main. Et finalement, tout le vocabulaire de la pensée est fondé sur des verbes latins qui sont ou grecs qui sont extrêmement concret, qui désigne des gestes physiques. Alors, Paul Valéry, je ne peux pas m'empêcher de le citer à nouveau, il définit justement l'intelligence comme étant quelque chose qui se retrouve dans toutes les activités. Je le cite, « Chacun se sert de l'esprit qu'il a. Un manœuvre se sert du sien par rapport à soi, autant que quiconque, philosophe ou géomètre. Si ces discours nous semblent grossiers et trop simples, les nôtres lui sont étranges ou absurdes, et chacun de nous est un manœuvre pour quelqu'un. » Comment s'est-il que cette phrase n'ait pas fait autorité dans l'éducation nationale et qu'on considère que Emmanuel, celui qui n'est pas disposé aux études dites générales? Cela dit, quand Thierry on dit Baye. Chacun de nous est un manœuvre pour quelqu'un, ça préjuge que le manœuvre est en position subordonnée ou faible par rapport à celui qu'il qualifie comme tel. Donc, c'est certainement pas une réhabilitation de l'importance. De l'œuvre de la main. Non, mais c'est une façon de dire que tout le monde galère à sa façon, qu'il soit géomètre, philosophe ou manœuvre, au sens propre du terme. Ça, ça va être une des grandes transitions et c'est à peine évoqué dans le livre que Laurence nous présente aujourd'hui, mais je crois que ça va être l'objet d'un prochain ouvrage en gestation ou d'une conférence qu'elle a faite récemment à Cerisy, c'est le fait que celui qui galère de plus en plus, le nouveau prolétaire, c'est beaucoup plus quelqu'un qui manipule des symboles et du langage, qui pond du PowerPoint à la chaîne ou qui dépanne des gens au téléphone selon des scripts préétablis, que celui qui est en rapport avec la matière. Comme vous le signaliez... C'est plutôt dans les services que se trouve le nouveau prolétariat, entre guillemets. Ben, il y en a partout, mais finalement, les fonctions de production, de fabrication demandent de plus en plus de savoir conceptuel de ceux qui les font. Il s'agit de surveiller une chaîne de robots en anticipant les pannes, en ayant des réactions très appropriées le jour où quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et effectivement, beaucoup de travaux de service, que ce soit les agents de caisse dans les magasins, les gens qui font du marketing téléphonique, sont des... poste assez répétitif et souvent plus rébarbatif, beaucoup plus rébarbatif que ceux qu'on peut trouver dans l'industrie. Et même les postes intellectuels, c'est ce qui est nouveau, peuvent être des postes... Crawford en était un bon exemple. Il avait un doctorat de philo, il était employé à faire des argumentaires, parce qu'il n'y a pas que la phase où il faisait des résumés de livres pour un think tank, donc sortir des PowerPoints utilisés par des gens très intelligents dans des réunions de gens très intelligents. Il avait vraiment le sentiment de faire un travail totalement déclassé qui n'avait plus aucun sens. Et beaucoup de cadres intermédiaires, souvent maintenant, dans un univers où on a l'impression de faire plus de reporting, de remplir des tableurs Excel et des tableaux de gestion, plutôt que ce qui faisait pour eux le sel de leur activité. Laurence de Créault, j'ai été étonné de découvrir dans votre enquête sur les représentations et ce qui les a déterminées au cours de l'histoire des idées. On parlait beaucoup de philosophie, on a cité quelques grands noms, mais la religion a joué un rôle également. Vous citez le cas de Luther, dont l'influence a été considérable dans cette histoire des représentations, justement. Alors là, je vais me contenter de parler donc de l'étude de Max Weber, dont je sais qu'elle est controversée par certains. Enfin, néanmoins, elle a fait beaucoup de bruit et on continue à la citer beaucoup. Donc, cette étude nous dit qu'effectivement, avec la réforme, est née une autre façon d'aborder les textes, et notamment cette idée qu'il fallait que tout chrétien puisse avoir un rapport direct au texte immédiat sans passer par le truchement de l'Église. Et donc Luther a entrepris de traduire en allemand la Bible. Et ce qui s'est passé et qui a été absolument déterminant, c'est que dans un passage dans lequel vous avez deux mots grecs qui sont klesia, qui veut dire l'appel, hein, et ponos... L'appel de Dieu. Oui. C'est pas l'appel qu'on manie pour déplacer des tas de sable. L'appel. et le mot ponos, qui veut dire le travail pénible, la tâche, il a employé le même mot en allemand qui est beruf, qui veut dire donc aujourd'hui le métier, mais qui signifie étymologiquement l'appel, berufen. Donc il fait un rapprochement entre l'appel de Dieu et le métier. Voilà, et le métier qui devient une vocation. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, avec un grand anoblissement du travail, quel qu'il soit, où que vous soyez, où que Dieu vous ait mis dans la société, votre travail, c'est votre vocation, et donc c'est bien, et c'est comme ça que vous pouvez gagner votre salut. Et il faut l'accomplir du mieux possible. Il faut l'accomplir du mieux possible. Alors ça, c'est le premier point, et ensuite arrive quelque chose avec Calvin, qui est donc cette idée de la prédestination. Certains sont élus, d'autres ne le sont pas. Bon, alors que faire, comme vous savez pas si vous êtes élu ou pas, il faut travailler. Et vous pouvez tout de même, il faut garder la foi, c'est très important. Et qu'est-ce qui peut vous inciter à garder la foi? C'est si Dieu vous donne des signes que vous êtes peut-être élu. Et parmi ces signes, il y a le fait de réussir dans son travail. Et c'est ainsi que... selon Max Weber, c'est ici qu'on trouverait un peu l'origine de l'esprit capitaliste, avec cette idée que il faut s'enrichir, il faut réussir dans les affaires, non pas pour profiter, pour jouir de sa richesse, parce que ça, pour l'Église, il n'en est pas question, surtout pour l'Église protestante, mais pour réinjecter ce qu'on a gagné dans son entreprise et que l'entreprise prospère pour la plus grande gloire de Dieu. Parce que faire prospérer son entreprise, c'est agrandir la gloire de Dieu sur Terre. Et donc là, il y aurait eu un clivage, je dis bien, j'emploie le conditionnel parce que certains ne sont pas d'accord, mais bon, il y aurait eu un clivage entre une Europe protestante et une Europe non protestante, avec les protestants qui donc vont dans le sens de l'industrie, du commerce, de la richesse, ce qui serait moins le cas pour la France. Voilà. On retrouve presque les mêmes mots quand on parle aujourd'hui d'entreprise à mission. On retombe un peu sur le vocabulaire presque religieux de Luther, en disant non mais l'entreprise a pour fonction d'accomplir une mission. On est près du Beruf luthérien et pas d'abord d'enrichir ses actionnaires et ses salariés. Alors, j'aimerais, Thierry Rivail et Laurence de Créau, qu'on parle un petit peu maintenant de l'éducation, de l'enseignement. Et on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'enseignement de culture technique dans les humanités. Et vous citez par exemple le programme de culture générale tel qu'il est défini par les grandes écoles, certaines d'entre elles en tout cas. Vous dites par exemple que à l'épreuve de culture générale de Sciences Po, on demande aux candidats de démontrer leurs connaissances en, je cite, philosophie, littérature, sociologie, histoire, pas de science. HEC, pour sa part, s'enorgueillit de former l'esprit de ses élèves à une réflexion autonome et éclairée par la lecture ample et directe des grands textes et par la pratique de la dissertation. Pas de science, pas de technique. Comment est-ce qu'il y a pu y avoir cette élimination dans l'enseignement des humanités de ce qui relève de la technique ? Mais je dirais qu'il n'y a pas eu élimination de la technique, c'est qu'elle n'y a jamais été. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que la vocation des humanités, telles qu'elles ont été conçues, c'était de fabriquer une élite. Ça, c'était tout à fait officiel. L'université, telle qu'elle était au Moyen-Âge, enfin, à la fin du Moyen-Âge, parce qu'elle a changé de fonction au cours du temps, et ensuite, le collège, tel qu'il s'est constitué, le collège humaniste, et jusqu'au XVIIe, la fonction, c'était de préparer l'élite qui allait gouverner, les gens qui allaient aider le roi à gouverner, qui allait être à des postes clés. C'était très clair. Donc, pourquoi le latin, pourquoi, alors, il y avait une très grande importance de l'éloquence, une grande importance de la culture classique. Pourquoi? Parce que c'est ce dont on avait besoin pour briller en société, pour convaincre, etc. Et il n'a jamais été question de former, par exemple, les marchands. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dès le Moyen-Âge, il y a eu un enseignement parallèle, je dirais post-rudiment, après juste l'apprentissage de le lire et écrire, un apprentissage professionnel qui s'est mis en place. Alors, je ne parle pas des artisans qui, eux, avaient leur corporation, donc avec les compagnons, etc. Donc, ça marchait comme ça. Mais pour les marchands qui, eux, avaient besoin de faire des maths, qui avaient besoin de géographie, qui avaient besoin de toutes sortes de choses très pratiques et qui ne trouvaient rien de tel dans les ni à l'université ni dans les collèges, eh ben les marchands ont créé leurs écoles. Il y avait des écoles qui étaient fondées, qui étaient ce qu'on appelait les parvae scolae. Il n'y en a pas eu beaucoup en France, mais je crois qu'en Italie, c'était très répandu, où on faisait, on apprenait à lire les cartes, on apprenait la comptabilité, etc. Et pourquoi est-ce que l'Église, enfin, pourquoi est-ce que rien de tel n'était prévu dans l'enseignement classique ? Parce qu'il était religieux. L'idée de l'enseignement classique, c'était a priori au début de faire des bons chrétiens et puis de bons serviteurs du roi, de bons officiers du roi. Ça n'était absolument pas. Et alors d'ailleurs, à ce propos, je vais vous lire juste un petit passage de Richelieu dans son testament politique. Richelieu lui-même, premier ministre, qui s'arrache les cheveux de voir cet engouement pour le Collège des Humanités et qui mène la France à sa perte. Et il dit la chose suivante. Le commerce des lettres bannirait absolument celui de la marchandise qui comble les états de richesse. Il ruinerait l'agriculture, vraie mère nourrice des peuples. Donc ça veut dire que quand même de tout temps, il y a des gens qui étaient conscients que la situation était, disons, déséquilibrée. Vous citez l'exemple de François Arago, le grand astronome mathématicien, qui en 1837 interpelle le Parlement à l'occasion d'un débat sur l'enseignement des classiques. Il dit ceci, ce n'est pas avec de belles paroles qu'on fait du sucre de betterave, ce n'est pas avec des alexandrins qu'on extrait le sodium du sel marin. C'est du bon sens, n'est-ce pas Thierry Veil ? Oui, tout à fait. Que lui répond Alphonse de Lamartine ? Si le genre humain était condamné à perdre entièrement un de ses ordres de vérité, ou bien toutes les vérités mathématiques, ou bien toutes les vérités morales, je dis qu'il ne devrait pas hésiter à sacrifier les vérités mathématiques. Car si toutes les vérités mathématiques se perdaient, le monde industriel, le monde matériel subirait sans doute un grand dommage, un immense détriment. Mais si l'homme perdait une seule de ces vérités morales, dont les études littéraires sont le véhicule, ce serait l'humanité tout entière qui périrait. J'aimerais bien avoir vos commentaires, Thierry Veil, sur ce jugement de Lamartine, grand poète par ailleurs. Grand poète par ailleurs. On a absolument retourné l'argument de D'Alembert qui disait si on devait choisir entre les arts libéraux et les arts mécaniques, bien que les arts libéraux soient beaucoup plus chouettes, beaucoup plus stimulants pour l'esprit, on a quand même besoin de faire en sorte que chacun puisse avoir un toit, se vêtir et manger. Là, Lamartine n'hésite pas à montrer combien est triviale l'attitude d'Arago, disant ce serait quand même bien de pouvoir fabriquer ce dont on a besoin. Mais c'est quelque chose qui a profondément marqué la culture française. Je rappelle qu'il y a seulement une petite vingtaine d'années, quand un patron d'entreprise disait « nous entrons dans l'économie de la connaissance, fabriquer des choses c'est bon pour les Chinois, nous on va se spécialiser dans les tâches de conception, parce que c'est quand même ça qui est noble, et ça où nous excellons, nous, nations avancées, avec tout notre système d'école, d'université », le cours de son action prenait 15%. Quand il disait « je vais faire du fabless », c'est-à-dire faire fabriquer à l'étranger et me contenter de concevoir, avec l'idée qu'on pourrait, que les autres étaient suffisamment bêtes pour fabriquer sans imaginer comment améliorer ce qu'ils fabriquaient, et que nous, on pourrait continuer à concevoir des choses qu'on ne savait plus faire. Enfin, c'est la vieille dialectique du maître de l'esclave de Hegel, où le maître dépend de son esclave, et l'esclave a la maîtrise de son maître qui ne sait plus rien faire. Mais cette différence, cette séparation entre littéraire, disons technique ou intellectuel et manuel, on a vu que c'était pas une question d'intelligence. Il y a une intelligence manuelle, il y a une intelligence intellectuelle, on pourrait dire aussi. Mais est-ce que du coup, la différence qui reste, c'est pas une différence dans le rapport au monde ? Ben oui. Mais alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé en faisant ça, en menant cette étude, c'est de me rendre compte qu'il y a toute une portion d'intellectuels qui militent pour dire que tout le monde, en gros, est intellectuel. Ça, c'est ça a été un des fondements de l'école unique et enfin de toutes les directions qu'on a prises. C'est de dire, ça, je l'ai lu notamment. Enfin, j'étais très intéressée par l'énorme somme de Bernard Charlot et Madeleine Figeat sur l'histoire de l'enseignement technique depuis 1789 et il montre à chaque fois que un gouvernement pendant le XXe siècle essaie d'introduire du manuel quelque part, ou bien de spécialiser certains élèves dans du manuel, ils disent c'est une aberration, ça c'est un sale coup du patronat qui veut réduire à l'imbécilité les manœuvres dont il a besoin à bas coût. En fait, il n'existe pas d'intelligence manuelle ou concrète et d'intelligence abstraite. Il n'y a qu'une forme d'intelligence et c'est le milieu dans lequel on est né, etc., qui fait qu'on aura une plus grande familiarité avec telle ou telle chose. Donc il y a quand même un fort courant qui dit que c'est une hérésie de faire une différence entre les intelligences, qui moi toujours me laisse perplexe, parce que je me dis, en revanche, personne ne trouve absurde de voir des gens qui sont bons en sport et d'autres qui sont pas bons en sport. On a certaines qualités, mais dans le domaine intellectuel, c'est quelque chose qui est sacré, qui est tabou, on doit dire que tout le monde est pareil. Non mais alors, d'où est venue cette égalité qu'on établit entre le fait de ne pas être fait pour les études et le fait d'être manuel, alors même qu'on ne teste pas les capacités manuelles de la personne? Alors, ce qui est comme étrange... s'il y avait une sorte de complémentarité inscrite dans le cerveau entre les deux activités. Je crois que là encore, ce sont ces vieilles représentations qui jouent, c'est que tous les efforts qui ont été faits pour réinjecter du manuel. Alors il y avait déjà Jean Zay qui avait commencé à faire des classes tests comme ça, puisque la grande idée c'était d'orienter. Ça c'était un mot magnifique hein, qui est vraiment né à la fin de, enfin au début du XXe siècle. Il faut orienter les enfants en fonction de leurs talents. Merveilleux. Sauf que à partir du moment où il y avait des classes qui étaient établies dans lesquelles on donnait une place importante aux travaux manuels pour pouvoir juger des talents des gens là-dedans, elles étaient fermées tout de suite. Il y avait eu des raisons politiques ou autres. Jean Zay l'a fait, ça s'est passé à Vichy aussi, et ça s'est passé, enfin, ça a failli se passer avec le plan Langevin-Wallon qui prévoyait d'avoir deux années au début du collège, donc 6e, 5e, dans lesquelles il y aura une grande présence des travaux manuels. Mais à chaque fois, c'est fermé. C'est comme s'il y avait une espèce d'inconscient qui dit que on ne peut pas faire ça. Quand je dis l'enseignement manuel, c'est-à-dire pour tous, que l'idée que tout le monde en fasse n'est pas possible, mais en même temps l'idée que tout le monde est intelligent. Enfin, c'est une espèce de casse-tête étrange. Peut-être que pour aider à trancher cette délicate question, on peut à nouveau citer Paul Valéry. Oui. On définit trop l'intelligence par la scolarité. L'intelligence devient alors une classe, la classe de ceux qui ont fait leurs études. Les études sont démontrées par les diplômes, qui en sont les preuves matérielles. Or, il arrive que la preuve matérielle, le diplôme, soit plus durable que ce qu'elle prouve. Plus durable, par exemple, que le zèle, la curiosité, la vigueur mentale de celui qu'est l'institut membre de la caste des lettrés. Parmi les inconvénients de ce système, il faut signaler l'ankylose de l'homme dans son attitude initiale. On me dit qu'il est possible en Amérique de changer de carrière à tout âge, de passer du libéral au manuel et réciproquement. Alors je sais, Laurence de Créau, que votre livre ne parle que sur le cas français. Eh oui, hélas. Est-ce qu'il se distingue notablement d'autres exemples à l'étranger, en Europe ou ailleurs ? Ben, je pense qu'à la limite, Thierry serait peut-être plus... Il connaîtrait mieux au moins ce qui se passe dans le domaine de la formation en Allemagne et en Suisse, parce que je dirais que des généralités, puisque je n'ai pas eu le temps moi, de me pencher là-dessus, à mon grand regret. Alors déjà, pour rebondir sur la citation de Paul Valéry que vous faisiez, il est clair qu'en France, le poids du diplôme initial a une influence considérable. Comme on dit en Californie... On demande un Américain vous demande ce que vous savez faire, un Français vous demande qui vous connaissez et à quelle école vous étiez. Mais au niveau de la formation, en Suisse ou en Allemagne, les deux tiers des enfants suivent un apprentissage et certains grands patrons d'industrie ont commencé par être apprentis et ont monté ensuite tous les échelons. Un tiers des élèves, cela dit, c'est pas très différent en France. Enfin, le gymnase, le lycée, est considéré comme une voie minoritaire et pas du tout comme la voie standard. Et surtout, n'est pas l'unique voie pour accéder à des responsabilités et à des postes très considérés socialement. Mais il faut noter qu'on a eu un enseignement technique. Moi, c'est ce que j'ai découvert en lisant le livre d'Yves Mallier, publié par les Presses des Mines, qui est extraordinaire, sur l'enseignement technique. Moi, ce que j'ai découvert avec stupeur, c'est qu'il y avait un enseignement technique de très, très grande valeur, et surtout, qui permettait une forte promotion sociale, et ce, jusqu'en 1959. Entre 1880 et 1959, il y avait des écoles techniques, mais de haute volée, qui étaient les écoles professionnelles, commerciales et industrielles, non, les écoles, oui, c'est ça, les EPCI et les ENP, les écoles nationales professionnelles, que les élèves faisaient à l'issue du primaire, après un concours, et il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui sortaient de là. Donc c'était des gens qui n'étaient jamais allés dans le secondaire, qui avaient pris le primaire, qui était l'école du peuple, qui ensuite avaient fait du technique, et qui montaient très haut. Et ça, c'est devenu quelque chose, enfin c'est un souvenir qui devient un peu ancien maintenant, hein, puisque en 1950, finalement ce qu'a voulu l'éducation nationale, c'est tout ramener dans son giron pour que tout soit secondarisé. Et ça, on le voyait déjà au 19e siècle. Il y a eu aussi un effort avec l'enseignement secondaire spécial de faire quelque chose qui soit en dehors de la norme classique, et tout de suite, l'éducation nationale le remet dans son giron pour suivre exactement le même moule que l'enseignement habituel. Laurence de Créau, vous intitulez votre conclusion, celle de votre ouvrage, « Crise lexicale, crise du travail ». Oui. En quoi ces deux crises sont-elles corrélées ? Crise lexicale, ça veut dire qu'il faudrait abandonner quel terme, autre terme ? Je sais pas, par exemple, moi un truc que j'ai réalisé en écrivant ce livre, c'est qu'on dit il y a voie générale et voie professionnelle. Mais ça veut dire que la voie générale ne mène pas à une profession ? C'était vrai autrefois, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas, on n'allait pas au lycée pour embrasser un métier, puisqu'en fait, les parents, le réseau social, enfin le réseau familial, vous permettait d'apprendre votre métier. Maintenant, ô combien, enfin, quand on va au lycée, c'est bien pour décrocher un métier, in fine. Donc, je trouve déjà c'est assez aberrant. On emploie le mot général alors que il y a en fait, si l'on additionne le lycée professionnel et les apprentis, hein, les CFA, on arrive à un chiffre plus élevé que le lycée dit général. Donc le lycée général serait plutôt une exception, mais on l'appelle général. Enfin, il y a toutes sortes d'aberrations comme ça. Et aussi, on parlait tout à l'heure de col bleu, col blanc. On dit je ne veux pas être un col bleu parce que je veux pas être un ouvrier parce que c'est le bas de l'échelle. On assimile col bleu à prolétariat. Or, comme le disait très bien Thierry tout à l'heure, le prolétariat maintenant, c'est beaucoup de ce qu'on appelait avant des cols blancs, c'est-à-dire des gens qui bossent dans des bureaux, qui ne vont pas se salir les mains et qui font un travail de marketing téléphonique dans lequel il y a zéro réflexion. Donc, plus rien ne fonctionne. Ça ne marche pas. Nous sommes nombreux à avoir un col Vichy, comme vous dites, c'est-à-dire voilà. Un carreau bleu et blanc. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie Thierry Vaille et Laurence Descréaux d'être venus nous expliquer, je crois nous convaincre, que nous devrions en finir avec la tyrannie des cases. Je recommande la lecture de votre ouvrage, Laurence Descréaux, « Tempête sur les représentations du travail », qui est paru aux éditions de la Fabrique de l'Industrie.